tu sors jamais. Le samedi soir, tu ne vas pas au cinéma. Tu restes là comme ça. La la la la. love.